Una vegada més al vostre costat, salutacions de Rafael Corbí en el moment de començar una nova edició de Hola la Música. Avui la cançó que hem triat, que ens parla de música per començar el nostre espai, és la que porta aquest nom, la música del camioner Stone Chardin. Des del 2011 i en directe ens porten aquesta cançó. Benvinguts, benvingudes, us parla Rafael Corbí. Il roule la nuit, transporte de l'essence, de l'huile ou du pétrole, des billots de bois, des caisses de conserve, des machines agricoles. Tourne la radio, vas-y, la route est longue, écoute Mick Jagger, pousse le bouton de minuit à 5h. C'est la musique de camionneur, c'est la musique de camionneur, c'est la musique de camionneur. Embrasse-moi de minuit à 5h sur la musique de camionneur. Pose ta main là sur mon genou, embrasse-moi là, là dans le cou, sur la musique de camionneur. Sur la musique de camionneurs. Les uns ont des cœurs tatoués sur l'épaule, à l'encre de Chine. Les autres ont des femmes en papier ou des fétiches tendues dans leur cabine. Ils nous font parfois des signes à la portière pour nous laisser passer. Et quand il y a des filles dans les voitures, ils leur envoient des baisers. C'est la musique, le camionneur. C'est la musique, le camionneur. Embrasse-moi de minuit à 5h sur la musique, le camionneur. Ta main là, sur mon genou, embrasse-moi là, là dans le cou, sur la musique de camionneur, sur la musique de camionneur. C'est la musique de camionneur, c'est la musique de camionneur. Embrasse-moi de minuit à 5h sur la musique de camionneur. Pose ta main là sur mon genou, embrasse-moi là, là dans le cou, sur la musique de camionneur, sur la musique de camionneur. C'est la musique. La música del camioner, ja ho heu sentit així amb Stone Chardin, que ens arribava amb la seva música. Antoine és l'artista que ens acompanyarà en les dues properes cançons, una primera cançó del 1999 i una altra de l'any 2000, de dos àlbums diferents d'aquest artista que es coneix amb aquest nom, Antoine. De fet, ell és en Pierre Antoine Muraccioli, que va néixer el 1944 a Toamasina, a França. Un tipus de cançó francesa prou popular als anys 60 i anys després ens l'oferia amb aquest. És més conegut per la cançó també anomenada Bonjour, Salut, però nosaltres ens centrarem en aquestes dues que escoltem, com hem dit també en el nostre programa. Salut.

Si no tinc mal entès, aquest trio són de Marsella, ens aporten Get Off Phenomenon a la seva música i la veritat, aquest tema, Maria Maria, molt de ritme, amb Jul o aquest Afonso Magut, que ens arriba també des del mateix àlbum, un disc que es va publicar el 18 de novembre de 2016, que va tenir el seu èxit important a través de tot l'any 2017, a través de Def Jam Recordings de França. Una formació prou interessant, doncs, que avui oferim amb els nostres oients. Très puis-je porter ça dans ma tête, c'est la déroute. Regardez, sans froid, génération, rien à foutre. J'm'esquive. J'avais autant de problèmes qu'un mec de 20 ans. Pas de toi, j'étais beau pétant. Là j'me calme, j'ai plus que maman pleure. Maintenant vous êtes informés. Retetete bouchier. Avance ma route. J'ai esquivé les gyrophares. Fin de bouteille, j'ai mon flash. J'suis à devant, cerveau en flamme. Pour RR sa vie rotale. Ouais ça passe du rire au là. On avance, on calcule pas les jaloux. T'assises trop, tu fais ça à nous, on sait tout. On parle pas, nique sa mère ta carte, on perd pas le nord. Non, non, c'est le GP, viens nous follow. On avance en groupe, on se partagera le gros lot. Fils de, j'pense à toi, j'évacue sous weed. Weed, y'a que des coups durs, faut rester solide. Lead, trop de frères se kill. J't'écoute pas, seul Dieu me guide. Ils veulent qu'on s'divise, au lieu de s'allier. Pendant que la lune on vise, le temps s'écoule dans le sablier. Se brise, là ça y est. Ouais, avoue que tu kiffes, on les fuck. Parier, parier. Avance sur ma route, j'ai esquivé les gyrophares. Fin de bouteille, j'ai mon flash, j'suis à devant, cerveau en flamme. Pour RR sa vie rotale, ouais ça passe du rire au là. On avance, on calcule pas les jaloux. Changer, déporter putes échanger, goûter les risques du danger. Pour les miens, on vient les choquer. Pardonnez-moi si vous trouvez que je suis plus le même. Mon équipe et moi, on a trop donné. Pour la monnaie, monnaie, père d'Azix, c'est plus enfant. Pendant qu'ils croient qu'on s'essouffle, on arrive en bas de la pente. La montée sera plus facile avec de la patience. Même derrière les barreaux de freine, j'avais préparé mon plan. Un 2017 molt actiu amb aquesta banda, sobretot també a través de les xarxes socials de YouTube i d'altres dels elements característics que tota aquesta nova generació doncs, està portant a terme i està tan acostumada, potser nosaltres no ho estem tants, però ells sí, i és aquí on fan bona part de la promoció del seu material. Escoltem a continuació dos dels senzills publicats d'aquest La vida loca, aquest han disc publicat, com hem dit, a finals de 2016. És With and Dance La Poche i Tu Montenant, les dues cançons que van sortint senzill amb el seu moment en videoclip també, que avui escoltem a Hola la Música. Axel m'a dit les chiens ne font pas des chats, mais j'ai vu des chats taire les chiennes. Tellement de paradoxes et de traîtres que tout ça me fait chier. Donc avant de prendre une décision dans ta life, m'aurais réfléchi. Mec, tu vas te prendre une cartouche, si sur mon équipe tu louches. Si tu te donnes pas les moyens d'avoir les moyens, t'auras jamais les moyens. Faut de la maille, le Cayenne, si tu veux vivre comme un doyen. Taille dans mon tel, là je suis mortel. Si je t'en veux la bouteille, c'est pour pas qu'on me prenne la tête. Frère, j'étais ton gava, j'étais prêt à tout juste pour voir ta joie. J'suis dégoûté, tu m'envies juste pour ma voix. Mais ne t'inquiète pas, j'te laisserai pas ma voix. Si tu doutes de toi, mais ne doute pas de moi. J'ai goûté le goudron et ça pendant des mois. Oui, le outre connais-moi. J'étais gentil, j'ai fini par être dément. Si tu nous cherchais ce qu'il faut dans le local, on parle pas trop balle direct dans la boca. J'veux le meilleur pour mon GPS choquant. Oui, oui, le meilleur pour notre avenir. Y'a que des fous, y'a de plus en plus d'enterrements. Qu'est-ce que tu ferais mon ami pour avoir le dernier mot? Je veux tout niquer, je viens te le dire clairement. Au studio c'est l'aquarium et l'ingé c'est gros. Ne trahis pas, fais pas la chaîne comme Katy Perry. Aujourd'hui tu kiffes ta life, ouais demain tu péris. Il faut le mal, hyperant, ils verront ces salopes. Il faut les max sur le peupon, ça suffit, ils galopent. Ouais, fais pas confiance à là, tu le connais mal, si il peut être carotte. Tard le soir je barre, j'ai fumé toute la beuh, j'en ai plus, je marronne. Plein de stories, plein de money, sap t'es wanted. T'es plein de vices, laisse-moi dans mon del. Plein de mensonges, t'es des victimes, si tu me trahis, crois-moi, elles vont croiser les montagnes. Je me vois venir de loin comme une voiture de cible. Faites-la moi à l'envers, on verra c'est qui les hommes. Pour briller de l'amitié, tu négocies. Nique le stop, tout la voix dans ma tête résonne. Ouais, ça fait mal, trop de frères enfermés. Il faut des love, on est à terre, mec. Ouais, ça fait mal, trop de frères enfermés. Il faut des love, on est à terre, mec. J'voulais quitter la haine en vente Carolina. Les anciens nés dans la marche comme en Colombia. Plus de cortèges funèbres que de mariage. Elle vira à frapper dans le virage. Et Tony, et Tony, et Tony, et Tony, et Tony est mort. Dans la jungle de ma ville, money, trop de morts. On va le niquer, on l'a niqué, on va le niquer. Le game, on le connaît, hop, on l'a fourniqué. Y'a de la moula, mais que celle que t'as dans ton barrio. Hola, hola, hola, tu te rends pour El Chapo. El Capo, Al Capone, mais pense à ta daronne. Façon tu parore, parore, parore. Amar, amar, amar, amar, amar. Il faut de l'or encore, encore, encore. Amar, amar, amar, amar, amar. Il faut de l'or jusqu'à la fin. Tu m'as fait ouvrir les yeux. J'voyais plus rien pour oublier. J'fus ma beuh. Elle m'envoie loin. On a roulé, roulé, roulé. Dans ma lancée, veulent m'embrouiller. Pour un regard, rappelle-toi, je te faisais avancer. Je veux plus de beuh, hey, défoncé, j'en veux plus qu'un peu à ça, oui, tout le monde le sait. Plus confiant. je veux me casser, ouais, je veux le carrosse 24K, donne le carreau. Tu joues le taré, t'es pas là, je voudrais que t'arrêtes, j'en veux tellement. Je veux me casser, ouais, je veux le carrosse 24K, donne le carreau. Tu joues le taré, t'es pas là, je voudrais que t'arrêtes, j'en veux tellement. T'es nénère, tu vas me rendre criminel. T'es nénère, je veux tout maintenant. T'es nénère, tu vas me rendre criminel. Tout maintenant. Fort de caractère, on te lit, faut que le facteur. Personne veut que tu manges, ouais, quand t'es à terre. Le temps passe, les choses changent. Et ils tournent de terre-terre. Ouais, ils chantent, ils se vendent. Peut-être ils vont faire avec le temps, on va les faire taire. Je veux pas finir en tôle ou à traîner dehors. T'as fait confiance, il a coffré de l'or. T'es nénère, tu vas me rendre criminel. T'es nénère, je veux tout maintenant. Tout maintenant. Esteu escoltant Ulala Music. Je suis le tout. Je suis né pour mourir comme tout le monde. Mais je suis le tout. Le tout ne meurt pas. Le tout ne naît pas. Mais ce que l'on nomme la vie est une maladie mortelle. Tout le monde naît, tout le monde meurt sur cette terre. Grain de poussière lumineuse sur la photographie ténébreuse d'astronomie. Je suis le tout. J'ignore si c'est comme tout le monde qui ne le saurait pas, ne l'ayant pas vécu, je l'ai vécu. On ne peut pas douter. C'est ainsi. On n'a pas trop peur. On s'agrippe, c'est tout. C'est ainsi. Je suis le tout. C'est ainsi. Je suis Nascuda a Bretanya, però una de les millors exponents de la cançó parisina, la Rive Gauche dels anys 50, amb les modes jazz de Saint-Germain-des-Prés, el moviment existencialista de Sartre, les gravacions de Boris Vian, musicalització de grans poetes, en Julia Greco i moltes altres coses. I Brigitte Fontaine va ser, sens dubte, una d'aquestes, que va començar la seva carrera artística als anys 60. I atenció, perquè encara, a la seva edat, el 2020, ens porta música, ens porta, com heu sentit, les seves pròpies interpretacions. Terra Nova es diu el seu disc, Brigitte Fontaine, amb aquestes peces que ens acompanyarà també amb el programa d'avui de la Música. Les hommes au Marrakech, aux tempes doucereuses, aux chemises douteuses, les hommes avec des gants posés sur le volant, d'un geste possédant. Le méchant au visage d'enfant, aux poignets de brigands. Thank you. No sabria com definir-ho de cap manera la música que ens porta la Brigitte Fontaine. També la seva edat és lògica, amb 81 anys enregistrant música d'aquesta, la veu ja tampoc pot ser el que era, però sí les seves creacions musicals i les crítiques no han estat gens dolentes, almenys les que jo he trobat d'aquest 19è àlbum d'estudi d'aquesta cantant, que de fet compta en 10 peces que ja havia publicat ella anys enrere, amb anterioritat, i que ens havia conduït. Són versions realment noves, molt diferents a les originals, algunes de tant enrere com aquesta que hem escoltat del 1969, que va ser una cara B del seu senzill, o també el Reguilia del seu àlbum del 1974, però moltes d'altres de peces d'aquesta artista, que segons, per exemple, un dels portals francesos de música especialitzats ens comenta que és el més frondós i impetuós de la cantant francesa de tots els que ha publicat en la seva carrera artística. Escoltem una darrera peça que diu senzillament el que hauríem de fer nosaltres: parlar d'una altra cosa, Brigitte Fontaine. D'autre chose. Mais parlons d'autre chose. Ô Dieu et le ciel bleu foncé, et moi qui suis encore vivante, longtemps je me suis couchée de bonne heure, je mourrai à Paris. Mir Licht, mais parlons d'autre chose. Comme il est tard, je pense à toi, Desnos, qui partit de Compiègne. Il se repose. À Saint-Aubin-sur-Mer, que je ne connais pas. Mais parlons d'autre chose. Les vaches ne peuvent pas dormir. La musique savante manque à notre désir. Et le protocole veut que l'on fasse une danse avec l'ambassadrice de France. Oh, plateau du fin sourire. Mais parlons d'autre chose. Això és Hola la Music, el programa de música francesa a la teva emissora. Doncs sí, i continuem, i ara ho farem amb un homenatge, un àlbum d'homenatge, tres cançons que triarem d'un disc d'homenatge a Guy Byrd. És concretament la seva música la que ens omplirà els cors a partir d'aquests moments, en tres cançons cantades per Thomas Dutronc, per Brigitte i per Carla Bruni. Bona música, com sempre, a través de Hola la Música. qu'on est bien dans les bras d'une personne du genre qui nous voit, qu'on est bien dans ses bras là. C'est une prière, la prochaine aime le prochain. C'est une grammaire, le masculin s'accorde avec le féminin. Qu'on est bien dans les bras d'une personne du sexe désiré. Qu'on est bien dans ses bras là. Dans les bras d'une personne du genre qui nous va, qu'on est bien dans ses bras. La la la la la. Certains jouent quand même les atouts de même couleur. Libre à eux, moi j'aime les valets pour les dames, les trèfles pour les cœurs. Dans mes bras, là. Attends. C'est là qu'on est le mieux, je quand sais, même. Je sais. Qu'on est bien dans les bras d'une personne du sexe désiré. Qu'on est bien dans ses bras là. Qu'on est bien dans les bras d'une personne du genre qui nous va. Qu'on est bien dans ses bras, la la la la la. Les creux pour les bosses, tout finit par se marier. Les bons pour les roses, et même les colombes avec les éperviers. Qu'on est bien dans les bras d'une personne du sexe opposé, ou du même, peu importe, quand on s'aime. J'appelle dans le vide, je t'appelle au milieu de ma nuit. Mes mots s'en vont rapides, iront-ils jusqu'à toi aujourd'hui? Allô, allô, tu m'entends? Est-ce qu'il fait beau temps là-bas sous ton ciel? Ici, même sous la pluie, l'odeur me poursuit d'un peu d'estérel. Je suis dans la cabine, enfermée dans la cage de verre. Et toi, je t'imagine dans un bal qui s'ouvre sur la mer. Allô, allô, tu m'entends? Comment vont Laurent, Jean-Luc et Joël? Dis-moi, tes amis vont-ils toujours près des îles pêcher les girelles? Ça nous fait deux yeux. Chaque mot nous est compté. J'appelle sans relâche, et pour moi, dis, que s'est-il passé? Qu'est-ce que ta voix me cache? Avec qui ce soir vas-tu danser? Allô, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'attends? Ta bouche, où est-elle? Allô, tu parles trop bas. Seras-tu là-bas si je te rappelle? Il faut que je te quitte. D'autres gens s'impatientent dehors. Et je t'ai parlé trop vite. Je ne t'ai presque rien dit encore.

J'entends ce rond éclatant.